musique, théâtre et plus encore qui promettent d'être exceptionnels. Joignez-vous à la folie du spectacle le 9 avril prochain à compter de 20h au Théâtre TELUS. Billets en pré-vente à 10$ et 12$ à la porte. Pour plus d'informations, visitez le www.spectarc2009.com. Radium.fm, le site internet. Radium.fm est un site de divertissement internet rempli de bons plaisirs. Hey le Smart, c'est vrai que Radium est un site de divertissement. Mais c'est pas péteux.com. Tu l'as dit, Bouffi. Radium. Radium.fm. Radium.fm. Fais-toi plaisir. Vous écoutez Choc FM. Bonsoir. Alors, en manchette ce soir, on parlera pas de la publicité qui vient de passer. On va parler de visite chez le médecin, de relations de couple et de juifs. Sans bon sens, je donne le minimum. Je me sens comme un vrai homme, vive comme un pomme au maximum. 70%, c'est surtout Simon. Simon, il est bon, c'est lui le patron. Simon, Simon, Simon, Simon. Oh oui, moi, Simon, Simon saumon, c'est moi le poisson. 70%, 70%. 70%, 70%, 70%. Nostalgie, c'était Simon Pierre. Ça, c'est celle d'Israël. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Il me semble que ça pue tout le temps. Ouais. Aimeriez-vous plus sentir ou plus ne pas goûter? En plus tout cas, plus ouais. Ne pas sentir. On a la ou ne pas goûter. The age old discussion si t'avais à perdre un sens là, c'est sûr, lequel ça finit serait... toujours par être le goût puis l'odorat les deux derniers. Ouais, c'est rare qu'on lâche la vue. Ouais. Moi, j'avais même pas pensé. 70%. Donc, sur ces belles vérités, moi, le film qui a été choisi aujourd'hui, qui a été voté, c'est Simon Says avec l'excellent Dennis Rodman. On va aussi avoir, juste après que vous ayez présenté, Bruno, tu vas nous parler de magie. Oui. OK. Voilà. Attends, je vais trouver quelque chose. Puis change le nom d'un pays pour le Japon, si jamais t'en as pas. C'est bon. Okay. J'ai la Chine en quelque part. Right. La Chine, le Japon, c'est toujours pareil. En backup, ouais. La Chine. Selon Linda Tremblay, c'est tout des sortes de Chinois différents. Ben oui. C'est lucide du Linda Tremblay, les gros noms déjà. Étienne Forêt, toi, t'as-tu un spécial? Spécial famille cette semaine. Et voilà, puis Jessica, toi? Toujours dans le showbiz. Je trouve ça important. Le showbiz, c'est très important. Oui. Madame Showbiz. J'ai amené toutes sortes de musique de Castlevania, Madame Showbiz. J'espère que je serai pas coupée. J'espère que je vais pas vous dire la liste des Oscars de l'année passée. Oui, essaye de faire attention. Oh non. Hey, mais non, c'est ça. Ça, c'est Castlevania. C'est tiré du premier. Puis il va y avoir toutes sortes de tunes tirées de Castlevania, des remixes et tout et tout. Mais là, peut-être avant de plonger, là, je pense que j'ai une espèce de petit mea culpa de machin, de choses à discuter, des vraies valeurs pis tout, là. Ben, vas-y. Je pense que confesse-toi, je vais me laisser aller parce que ça a été ma fête dernièrement, et puis comme à chaque année, ma fête, c'est un événement à retenir, parce que c'est la mienne. Pour ça dure moi, tout le temps. Pour moi, mettons, tu sais, je pense. Donc, j'aime user des anniversaires de moi-même pour introspecter un peu plus, revenir sur l'année passée. Et puis, ben, j'ai croisé Éric Lapointe cette année. À côté du verre stérilisé, il était dans sa décapotable avec sa nouvelle amie. Disons que sa nouvelle amie ne pouvait pas parler et que son nom, on s'en fout. J'ai rencontré tellement de nouvelles personnes et fait un nombre encore plus grand de nouvelles expériences qui valent chacune une épitaphe. J'ai dû m'ouvrir le cœur et aller vers le Tommy Godette intime pour faire le constat de cette année. Et une lumière est née, une chose m'est apparue comme étant ma constatation principale. Un désir nouvellement réalisé qui devra maintenant trouver son assouvissement. Et de la même manière dont une nouvelle source qui jaillit doit se forger un lit de rivière, cette idée grandissante devra trouver sa place dans le monde de Tommy Godette, dans mon univers. J'ai, l'an passé, atteint cette conclusion. Une envie plus forte que tout, un besoin insurmontable, doublé d'une imposante incontournabilité. Désormais, je serai l'agent de cette idée, le bras de cette facette de moi-même qui n'a jamais été aussi clair pour celui qui vous parle. En effet, il peut être écrit que c'est à 31 ans que moi, Tommy Godette, fils de Hubert, fils d'Adalbert, ai abandonné toute ma vie à cette incommensurable envie de tuer personne. Jamais. C'est jamais une bonne idée. Non. C'est vous qu'il faut qu'on intervienne. Non. Moi, j'embarque même pas là-dedans. Pas mal passé au travers. On va écouter la nouvelle tune thème de l'émission. On va faire un petit drillage de ça. Douteux, neuneux. Merci beaucoup à Edgar Barry, un des génies non chantés qui n'arrête pas de chanter. Puis, en fait, c'était comme un souhait puis une présentation en même temps. Fait que, à bientôt. Au jeûne du QI toute la nuit, rire d'enfer, pipi au lit. En bon douteux, on va casser des œufs à l'humeur au frambeux. D'abord, tapant sur nos dirigés, un abuseur d'économie. Ces louches qui se poussent avec notre argent, ces voleurs au volant. Les pieds dans la boue, adulons moins ces bougalous. Ça évitera des gaz, le nez en l'air. Chacun tempère des veines de vin dans la vase. Qu'est-ce qu'on se bourre le désennui sous les destins d'académie? Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacant dans les chantiers? Les chantiers. Quand la cloche sonne, c'est qui donne 170%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait de fort, du bon bon bon fort, chaton. Et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas questions, de réponses bidon. Pas de nuit, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus. Les doutes, tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vent d'août à 70%. Il faut que le monde sache. Que le monde sache. Oh. Il faut que le monde sache. Que le monde sache. Oh. Il faut que le monde sache. Que le monde sache. Il faut que le monde sache. Que le monde sache. Il le faut. Il faut que le monde sache. Sachez-le, là, s'il vous plaît. Que le monde sache. On a fait des clips. On entend ça, c'est fun. Un beau clip. Alors, juste une petite information comme ça, en retour, hein, il est bon de savoir qu'il ne faut jamais faire de blagues pendant qu'un ami se récure les dents avec des ciseaux. Lin Kong l'a appris à ses dépens cette semaine. Il avait décidé de se récurer les dents avec des ciseaux à ongles pendant un dîner entre amis. Et un ami a fait une blague qui l'a fait tellement rire qu'il a avalé les 10 ciseaux. Il a alors essayé de tousser pour faire sortir, ce qui n'a pas beaucoup aidé, puisque les ciseaux pointaient vers le haut. Il a alors été transporté à l'hôpital, où un chirurgien a réussi à déloger les ciseaux sans trop de dommages. Mais quand j'étais à la maternelle, ça m'est arrivé, ça. Je l'ai pas avalé, mais je gossais avec mes ciseaux, je faisais du bricolage, puis je suis partie à rire, puis je me suis rentré les ciseaux dans le nez. Ah, mais c'est pas pire parce que tu vois, ça fait un lien avec ma prochaine nouvelle. Ah? Pax Sanchez est allé à l'hôpital afin de passer un scanner. Lorsqu'il s'est étendu sur la machine, il s'est plaint de douleurs sous l'œil droit. Le médecin lui a alors demandé s'il avait un ajout métallique au visage, mais Sanchez a répondu qu'il ne croyait pas. Quelques minutes plus tard, il a toussé un improbable clou d'environ 2 cm de longueur. Selon les rayons X que l'homme avait passé plus tôt dans la journée, le clou était bel et bien logé dans sa cavité nasale. Selon le docteur de famille de Sanchez, Jameson Kennedy, le clou était logé dans son nez depuis environ 30 ans. Mon Dieu! Il remontait sa fameuse tendance à sniffer des clous. Ouais. Alors, c'est le champ magnétique du scanner qui affirme le docteur qui a délogé le clou, probablement. Ben oui. Puis lui, il n'a aucune idée de comment ça s'est ramassé idée. Là. Sanchez, il sait pas du tout comment que ça s'est ramassé là. Ben pourquoi pas? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un clou dans le nez? Là, les jeunes, là, quand vous êtes sous, là, continuez d'en raser des sourcils au lieu de planter des clous dans le nez du monde sans que ça rende compte. Un message de paye de compassion. Ben aussi. Oui. Jessica, merci. Bruno, oui. Toi, je sais mais trop. Mais faut que le monde sache. Bruno Corbin aux nouvelles, DJ Georges à la souffrance. Oui, mais d'abord, une petite pause. Après la pause, DJ Georges traverse l'enfer de la drogue à 70%. Parfait, je vous attends le 24. Au revoir. Ah, le téléphone. Je passe mes grandes journées au téléphone. Tenez. Oui, qui? Bélan de Bélan et Bélan. Non, sans rendez-vous, impossible. N'empêche, avec le téléphone, je peux planifier avec précision tous mes rendez-vous. Comme ça, je perds pas de temps. Et les gens avec qui je fais affaire, mon père. L'interurbain Bell, une raison payante de passer ses grandes journées au téléphone. Ah, un cadeau? De Monsieur Bélan. Si seulement il avait appelé. Et oui, le téléphone, mesdames, messieurs. En 1988, on essayait de nous convaincre que c'était utile. Que les interurbains, c'était pratique. Oui, le téléphone, écoute, on peut en faire des choses. Grâce au téléphone, je peux communiquer avec les gens qui ne sont pas avec moi dans la même pièce. C'est incroyable. Je me suis toujours plus servi du fil que du combiné en tant que tel. Ah oui. un genre étrange. Ouais. En tout cas, on n'élaborera pas là-dessus. Même. J'aime autant pas le savoir. Alors, cette semaine, spéciale famille, c'est un peu la suite logique de mon spécial couple de la semaine passée. Oh, ben quand ouais. on est un couple fidèle, éventuellement, on devient une famille, souvent. Alors, j'ai plein de chansons où on parle de membres de la famille, de différents membres, et j'ai aussi des chansons chantées par des familles. Donc, je vais commencer d'abord par les mamans, parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, il y a la Mary King qui a déjà chanté une chanson en l'honneur de sa petite-fille, Carole. Ma petite Carole, mon petit bébé chéri, ma petite Carole, tu as comblé ma vie depuis le jour, le jour de ton arrivée, tu es tout pour nous, ma petite Carole. Alors je dédie cette chanson à toutes les Caroles qui nous écoutent ce soir. Et puis éventuellement, ça c'était en 72 qu'elle lui chantait cet hommage. Eh bien, 6 ans plus tard, en 78, Mary King nous chante « Maman, ne t'en fais pas », une chanson qu'elle chante en duo avec Carole elle-même. Oh. Donc, j'enchaîne directement. Si tu m'en as fait baver, ben, qu'un, on va la rechanter. Exact. Mais c'est beau, le message là-dedans. Ah. Parce que Mary se demande, est-ce que Carole trouve que je suis une bonne mère, mais je suis tout le temps partie en show. Puis Carole dit que oui. Je dois laisser mes chers enfants à mes amis, à mes parents. Il n'y avait pas de garderie en ce temps-là. Ça coûtait plus cher. Il y avait pas mal de slide guitar, par contre. Ouais. On remarque qu'il s'agit ici de la chanson country triste, comme on aime appeler la complainte. On rappelle qu'il y en a 2 chansons country. C'est ça. T'as la complainte, puis l'autre, c'est quoi? La turlupe? C'est ouais, la joyeuse. Hein? Ouais. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de garderie, mais il y avait probablement plus de manipulation de la part des parents. Sûrement, regardez, on entend Carole ici. Vous voyez, c'est beau. Elle comprend. Ouais, elle a beaucoup d'effets dans la voix aussi. Ouais. Oh, ouais. C'est beau, hein? Ah oui, c'est très beau. Ouais. Quand on parle de chansons de maman, on a beaucoup, beaucoup de country. Parce que c'est un thème classique. Ici, on a Willie Lamotte qui nous chante « Lettre à maman ». Ça aussi, c'est touchant. Pourquoi, maman chérie? Ça, c'est touchant, bon. Ouais, je vous le dis. Es-tu si vite parti? Oh. Il parle plus qu'il chante dans ça. Tu nous as tous quittés. Toi qui nous as bercés. Il est inspiré. Il écrit ça sur son lit de mort. Et dans ton grand le mort de sa mère, là. Tu ne penses plus au réveil. Dans le sens qu'elle est morte, là. C'est près de ton tombeau. Dans le sens qu'ils l'ont entendu. Pour toi, j'ai écrit ces mots. Voilà, dans le sens parler, cette chanson. Fait que ça aussi, c'est pas mal la complainte, là. On l'entend, c'est la même tune. Donc, je l'arrête. On a assez de country pour aujourd'hui. On peut passer à d'autres femmes de la famille, à part la maman. Souvent, il y a aussi des grands-mamans. Alors ici, j'ai Robert Goulet et Caro qui nous chantent « Pauvre grand-maman », l'histoire d'une grand-mère qui essaye de faire réagir son vieux mari en mettant des costumes de bain friolants, mais ça marche pas. Ça s'est inspiré. J'ai 2 versions de chanson là. C'est difficile à croire que 2 personnes se sont dit on va faire ça. Ça c'est Caro aussi, avec un K. Ça c'est Jessica avec un J. Comme ça. Refrain. C'est beau, hein? Fait que, ça nous montre un peu en même temps le message de la vie sexuelle des personnes âgées qui est si difficile à accepter. On en revient souvent à ça aujourd'hui, en tout cas. Pour moi, les personnes âgées sont comme les Barbies. Les personnes âgées, c'est toujours dégueulasse à regarder. Oui. Fait que s'ils mettent des costumes de bain, c'est encore pire. Moi, c'est le message que je retire de cette chanson. Je pense à ça qu'il essayait de dire. Il faut mettre une pièce avec des jupettes, les dames. Oui, c'est souvent ce que les grands-mamans font, par exemple. Il faut leur donner cet avantage-là. Sinon, il y a des tunes de belle-mère, ça, on en a plein. Bon, on n'est pas surpris que ça existe. Oui, il y en a beaucoup qui sont assez ordinaires, comme, mettons, celle-ci, c'est un classique. C'est surtout les paroles qu'il faut écouter qui sont très, très typiques. Je sais même pas qui chante ça. Si vous vous reconnaissez, appelez-nous. Avec la fille que j'ai mariée, la belle-mère s'en est mêlée. J'ai pris la porte pour aller jouer. Qu'est-ce que tu dis qu'on gardait en background, que je parle un peu? Ah non, c'est vrai, j'ai amené une surprise. Ah. Parce que, tu sais, le film qui a perdu là, ce soir, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Et puis, j'ai découpé la séquence finale, les derniers mots qui se disent dans le film, pour l'amener ici et puis montrer à tout le monde ce qui ont manqué un petit peu, parce que c'était Amazon, les Amazon Jail, les femmes en cage, sexploitation, qui frise vraiment le haut de gamme. On va écouter ici la dernière séquence. Merci beaucoup, Étienne. On va revenir. Oh, j'en ai plein. On a fait le féminin, puis tu vas nous ramener le masculin tantôt, finalement. Ouais, c'est ça. Il est tellement... C'est concept. Le yin et le yang. Ouais. On écoute ça. Amazon Jail. Commence naturel. Notre carburant, les gars, hein? Tenez, prenez ça, ça ira, car vous aurez une bouche de moins à nourrir. Je me le garde avec une bite pareille, ce serait dommage, je vais rester ici. Ah oui, je reste avec ma putain préférée. Ah? Et puis elle a plein d'or, il faut bien que je le dépense. Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici! On va s'en donner à cœur joie! Salut! Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut! Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi? Hey, ciao! Un message d'amour. Ouais, ouais. On souhaite que vous trouviez la queue qu'il vous faut. Donc, c'était Amazon Jail, les femmes en cage, la fin du film. C'est sûr que ça va revenir à un moment donné. Bon message d'espoir. Un message d'espoir, un message d'amour, un message différent. Là-dessus, je vais parler de Simon Says, c'est le film qui a gagné. J'ai réalisé en réécoutant le début de la chose tantôt, soit Simon Says, le temps que ça fait que je passe là-dedans. Quand je dis « je réalise », je veux plutôt dire que ça fait longtemps. Je ne signifie pas l'évidente charge incroyable de travail énorme qu'on a dû abattre pour vous sortir le jus de ce fruit beaucoup trop mûr qu'est le douteux. Parce que oui, ça goûte le fruit mûr pas mal des fois. Simon Says est paru la dernière année de l'histoire de l'humanité, soit en 1999. On sait que depuis le 1er janvier 2000, on vit dans les rêves d'un restant de croque-monsieur qui a été expulsé vers le petit nuage de Magellan par l'explosion de la Terre. Oui. Oui. Ah, c'est ça. 1999, ça fait 10 ans. Assez longtemps pour que j'ai oublié la majeure partie du film de ce soir et ne le mette en proposition qu'en me fiant sur mes notes encyclopédiques. Mais je me souviens que la tape avait été grande. Le souvenir autour de l'effet du film reste fort. Je me souviens de la tape. Quand on a appris qu'il faisait de Simon un héros central de film, avec son film. Quand on a appris qu'il recyclait le personnage sublime de Simon, allié de Jean-Claude Van Damme dans Duo de Choc, un des rares moins 8 des Muscle from Brussels. Pour en faire le seul personnage à plus d'une facette d'un long métrage. La tape, et c'est pas parce que Simon était hot dans Duo de Choc qu'on a eu une tape. En tout cas... Je suis sûr vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je pense qu'ils sont habitués, là. Poursuivre un peu mon train de pensée, on est en 1999. Faire des longs métrages à Hollywood ou ailleurs, ça coûte cher. Et ce qui suit possède un coefficient de qualité pour lequel la portée des goûts ne constitue pas une raison valable excusant les millions de dollars investis. Et quand il nous dit... Et quand ils nous ont dit qu'ils faisaient un long métrage à partir de Simon, à partir de Dennis Rodman, de l'action... Le joueur de basketball qui s'est démarqué du lot en étant laid de coupe de cheveux et d'habits. Laissez-moi vous dire que on savait que la susmentionnée équation soit Simon Says ce serait solide en sacrament. Et puis ça s'est avéré vrai. On va donc sauter dans le film à pieds joints. Première séquence, c'est l'intro. On est dans l'intro, là, le générique fini, puis déjà l'aventure. Hey, t'as vu Simon? C'est un Freddy volant. Un Interpol ne vous paye pas pour voler, imbécile, mais pour un travail de surveillance. Au fait, pourquoi est-ce que la police européenne a pris le nom d'Interpol? Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle pas Europol? Je me suis fait enlever un hémorroïde une fois et j'ai pas pu m'asseoir pendant une semaine. Arrêtez de discuter, je suis en position. Vous êtes prêt? Une petite seconde. On essayait de corriger un bug. Tu contrôles une caméra en forme de mouche. Ouais, c'est ça. Ashton, notre trafiquant d'armes préféré. Élargissez un peu le plan histoire de voir qui l'attend comme ça. C'est parti. Et donc voilà, on est dans la première poursuite. Il est en train d'attendre quelqu'un. Ashton, le trafiquant d'armes préféré. Moi, j'ai jamais eu de trafiquant d'armes préféré. Il est chanceux, lui, d'avoir le sien. Mais on va continuer un petit peu plus loin parce que là, je vais avancer à 3 minutes 30 du début du film. Allez savourer encore une fois les facéties incroyables de nos héros du film de ce soir. C'est la séquence d'introduction. Ça arrive des fois à un film d'action que ça commence puis qu'il y a une poursuite au début pour mettre le héros en valeur. J'ai déjà vu ça. Ah ouais? Bon, allez, il va parler. Hey, vous pouvez la poser quelque part, votre question. Voilà, j'ai réussi. Ouh, qui c'est le meilleur, hein? Qui c'est le meilleur? Le son est pourri, il y a des parasites. Ouais, peut-être, mais t'as vu comme l'image est meilleure que chez moi sur le câble? Ouais, t'as pas l'impression que t'as la critique un peu facile? Pour Interpol, y a pas que l'image qui compte, y a aussi le son. Il a pas tort, faut bien l'avouer. Ouais, c'est lui le meilleur. C'est toi le meilleur. Non, c'est toi le meilleur. Non, les gars, c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur. Lui le meilleur, il parle de Ashton, qui est son trafiquant d'armes préféré, qui va être le méchant du film de ce soir. Ça arrive des fois, encore une fois, qu'il y a un méchant dans un film d'action. Ouais, qui vend des armes. Qui vend des armes, ça. Oui. C'est déjà arrivé, ça, je pense. C'est déjà arrivé. Ah. Donc, un petit peu plus loin dans le film, on est à 4 minutes 58, un autre dialogue des Grandes Ligues. Tiens, tiens, c'est qui celui-là? J'en sais rien, mais ils ont l'air d'en vouloir à sa voiture. Le méchant. Que vous ai-je donc fait, mon cher ami? Vous ne m'avez plus téléphoné, ni envoyé d'email, ou même de pigeon, depuis 3 jours maintenant. Qu'ai-je fait? La transaction est annulée. L'arme n'est plus à vendre. Un instant, pourriez-vous me répéter cela, colonel? Qu'entendez-vous par annulée? J'ai changé d'avis. Vous pouvez rapprocher un peu. Est-ce que le pape porte des chapeaux rigolos? Je déteste les lâches qui reviennent sur un accord. Je déteste les lâches qui jouent les durs. Je déteste les colonels qui se prennent pour des généraux. Et je déteste les mouches! Oh non, oh, il a tué la caméra. C'est beaucoup d'argent là qui vient de partir. Que le Jedi qui a tué pas content. Quoi? Mais quel genre d'homme faut-il être pour tuer la mouche d'un autre? Mais assez d'enfantillage pour ce soir. Si nous parlions de votre famille. Je ne veux pas que ma famille soit mêlée à tout cela. Alors ne m'y obligez pas. Non, les familles, Étienne. Mais oui, il y a un lien. Au fait, colonel Taylor. Mère me répétait qu'il fallait toujours partir et laisser un bon souvenir. Bye bye. On s'en doute que quelqu'un qui dit bon souvenir, il est en train d'être cynique, hein. Parce là, que ben, sûrement qu'il y a une bombe ou quelque chose. Ben, en fait, il y a la gang de méchants qui vont aller tabasser le gars. Puis, ce qui est drôle, c'est que si Simon n'était pas intervenu, ben, il était pour le tuer. Ouais. Puis là, Simon, il va dire, je viens de vous sauver la, tu sais. Ouais. Fait que, je comprends pas. Il veut-tu l'acheter, l'arme, ou il veut tuer le gars? Est-ce que c'est ça pas va? Clair. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Dialogue de Simon. Qui vient de vous sauver la peau. Depuis quand Interpol s'est mis à engager des monstres de foire? Et vous, depuis quand vous bossez pour un trafiquant d'armes? Je suis navré, je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. C'est bon, colonel, je connais la chanson. On a besoin d'un peu de fric, on tombe sur Ashton, et on finit au fond d'un trou. C'est pour ça que c'est son préféré. Vous serez prêt à causer? De Ashton. Et la scène de moto vaut vraiment plus la peine de se déplacer pour être vue que celle qu'on voyait dans la Matrice 2. Ben oui. Ah oui, mais hein. Ben oui. En plus, il est jaune. Ben oui, ça n'a rien à voir. Ben au palmarès des chansons mauvaises, je sais qu'on a le spécialiste, peut-être pas au niveau du monde, mais au niveau du Québec, c'est sûr. Au niveau de la salle ici, peut-être. Au niveau de la salle au aussi. Au niveau de ma chaise, en tout cas. C'est ça qu'en tout cas, on s'y connaît. Puis tu sais, je veux dire, elle pourrait être passée au travail de beaucoup de tunes que je trouve mauvaises. Je pense que celle qui va suivre, celle qui s'en vient juste là, gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. C'est We Build This Starbucks. C'est comme, tu sais, Jefferson Airplane, là, à un moment donné, ils ont fait des tunes cool. Ils ont fait One thing make you happy. One thing make you happy. Puis ils ont fait aussi Don't you want somebody to love. Puis après ça, ben, c'est fini, Jefferson Airplane. Puis là, c'est devenu Jefferson Starship. Pour un spécial dans le voyons, Star Wars de Noël. C'était excellent. Il chantait dans un vibrateur et puis à la fin, un vibrateur fluo néo vert. Non, il était violet, mauve. Voilà, couleur virile par excellence. Et donc, après ça, c'est devenu Starship. Après être Jefferson Airplane, Jefferson Starship, c'est devenu seulement Starship. Et ils ont fait un hit qui s'appelait « We build this city on rock and roll, build this city ». Puis ben, je vous laisse là-dessus, hein, parce que tout le monde adore Starbucks. On va écouter la chanson pas au complet. Pas au complet, parce qu'on aime nos auditeurs. C'est trop dur. C'est pas facile. Ça va bien jusqu'à maintenant quand même. Ouais. Mm. Starbucks and high end, so build this Starbucks. You built this Starbucks and heart and soul. Say you won't slow down. Rest at this place. Say you don't know how we grew to this kind of place. Knee deep in the mocha, making coffee right. So many partners working late at night. On heart and soul. We built this Starbucks. We built this Starbucks on heart and soul. Built this Starbucks. You built this Starbucks on heart and soul. Someone's always working. DMs and inside sales. We care and service levels of driving better sales. We just want to build here. IMDS, does it pass? We call on development to complete the task. Living the ways of being. On heart and soul. We built this Starbucks. We built this Starbucks on heart and soul. Built this Starbucks. You built this Starbucks on heart and soul. Oh. It's another fun day. Je crois qu'il est prêt à discuter. T'en es sûr? C'était les deux moines de Simon Says qui viennent de nous sauver de We Build the Starbucks. Oui, c'était assez, là. Merci les moines. Ouais, c'est la seule fois de la soirée que tu vas leur dire merci. Ils sont toujours là pour nous, les moines. Même en 2009. Même dans les pires moments. Surtout dans les pires moments. Surtout dans les pires moments. Vous pognez votre moine récemment? Même dans mes rêves érotiques, ils sont là. Dans les pires moments, c'est ça. Bruno! Alors, le journal de Zimbabwean a une nouvelle campagne publicitaire imprimée sur de l'argent. La campagne est une critique des politiques de Robert Mugabe qui ont mené le pays dans sa crise économique. Les publicités sont faites sur plusieurs billets collés sur les murs et on peut y lire des slogans parfois candides et parfois révolutionnaires qui affirment que le papier vaut plus cher que l'argent ou que grâce à Mugabe, cet argent est maintenant de la tapisserie. Oh. C'est beau quand même comme idée. Bravo le marketing Zimbabwe. Bravo. Puis est-ce que le président il a mentionné en entrevue qu'il avait grandi de l'expérience? Non, du tout. C'est pas une critique positive. Non, il était occupé à boire des mojitos dans puis sa maison. Puis à jouer au Magic. Jouer au Magic. Zimbabwe. On va l'avoir la semaine prochaine. On va essayer de l'avoir. On par va demander téléphone, s'il joue hein. à Magic. Puis ça, il dérange que le monde fasse des tapisseries avec son argent. C'est ça qu'il va dire, moi je vous le prédis. Bon, ben, t'en as-tu une autre avec ça? Ouais, ben, il y a une nouvelle étude qui démontre que la fessée pourrait rapprocher les couples. Le niveau de stress augmente pour celui qui reçoit la stimulation, mais revient à la normale après. Mais l'étude a démontré, entre autres choses, que les couples qui s'adonnaient à des activités sadomasochistes se sentent plus proches à moyen et à long terme si les activités se passent bien. Il y a le psychologue Richard Wiseman qui affirme par contre que toute activité partagée, que ce soit de placer des pinces sur les mamelons de son partenaire menotté au lit ou de cuisiner un repas ensemble, devrait rapprocher un couple. Ouais, en tout cas, à différents degrés. Voilà. Mais c'est sûr que ça les rapproche. Ils sont tous ensemble. Après ça, ils passent 4 heures à l'urgence à attendre de se faire. 4 heures s'ils sont chanceux. Ouais. Ça doit être la saprie espagnole. Ça, c'est la médecine privée, 4 heures. C'est ça. La transfusion, il l'a trop joué. Hey, comment je fais un lien, moi, vers mon affaire? Je sais pas. Jungle. On parlait. Les mamelons. Lindsay Lohan, justement. Moi, j'ai séparé ça en thématique. J'ai trouvé quelque chose dans le showbiz cette semaine qui s'est passé, qui illustrait très bien le dicton « Demandez et vous recevrez ». Donc, la belle Lindsay Lohan, qui se plaignait récemment de son manque de travail / manque de cash, elle a été consolée par le producteur de films porno, Dennis DeSantis, qui lui a offert une voiture à 115 000 $, une Maserati. Connaissez-vous ça, cette marque-là? Ouais, non, ça doit valoir cher en crise si je connais pas ça. C'est ça, 115 000 $ si t'écoutais à l'instant. Ouais. Ensuite, ma fierté de cette semaine, c'est vraiment le public québécois qui a donc le cœur à bonne place. Parce que, oui, le film Rapide et dangereux a débuté en force au sommet du box-office québécois le week-end dernier. De vendredi à dimanche, le film a récolté des recettes de 1 500 000 $. Il s'agit du meilleur départ du box-office provincial depuis le début de l'année. Sur la même lignée, toujours le public québécois écoute des bonnes choses. Star Academy, mon sujet préféré de l'an. Donc, le 5 avril, Star Academy a récolté des codes d'écoute de 2 606 000 téléspectateurs. Vous savez, la semaine dernière, je vous disais que Maxime était le lauréat masculin. Je vous apprends que Caroline est maintenant la lauréate féminine de Star Academy 2009. Déjà, on fait partie des deux millions. Certainement, mais je sais. Sacré Caroline. Je t'ai appelé hier toute la soirée. Tu me répondais pas. Toi aussi, Étienne. Sa robe était tellement belle. Ah, oui. Tu trouves? Pas aussi belle que celle de Julien, c'est sûr. Et d'ailleurs, l'album des académiciens a été certifié or seulement 6 jours après sa parution sur les racks. Oui. Merci aux académiciens de se forcer pour me fournir de la nouvelle cochonnerie comme ça tout le temps. C'est les c'est personnes génial. Qui mettent Ils le plus d'argent dans ma cause. Oui. Le matériel se renouvelle. Tout le temps. C'est sûr qu'il y a de la bonne méthode là-dessus quelque part. Un modèle qu'il faut suivre, mis à part toi, Étienne Forêt, c'est Mel B, qui vendredi soir dernier au Planète Hollywood de Las Vegas s'est donné en prestation de manière très chaude. Elle a fait, c'est l'ex-Spice Girl. Oui, c'est la Scary Spice Girl. Elle est montée sur les planches, puis en tant que stripteaseuse, puis qu'elle a vraiment fait ça, en fait, pour démontrer qu'après avoir 2 enfants et à 33 ans, t'as toujours un beau body. Ouais, c'était une Spice Girl. Tu vois qu'elle a démontré des affaires. Hein? Ah oui. Elle démontre en titi, là. Ouais, c'est très c'est figuratif, clair. Son affaire. C'est une chanson d'une personne. C'est les drames, dont il faut jaser. Le chorégraphe de l'émission So You Think You Can Dance, Alex Da Silva, il a été arrêté samedi dernier parce qu'il y a 4 étudiants de danse qui auraient porté plainte pour agression sexuelle qui aurait lieu entre mai 2003 et mars 2009. Oh, ça se peut pas, ça. Quelle surprise. C'est impossible. Il voulait juste les apprendre toutes sortes de choses. Ben oui, comment danser par tous les moyens. Mais surtout, la nouvelle qui vaut la peine, selon moi, c'est le petit castor qui est de retour sur le petit écran, sur les ondes, en fait, de Télétoon Rétro, depuis aujourd'hui même. Oh. Êtes-vous content? Ça va faire du bien qu'il y ait une émission, le fun à regarder à Télétoon Rétro. C'était originalement une série japonaise qui avait été acquise ici en 1976, qui avait été traduite en français uniquement au Québec. On en regarde au visionnement de douteux, mais là, maintenant, ben oui, faut regarder chez vous. Avec les voix de Hubert Gagnon. Oui, puis de l'autre. Puis on n'avait pas été capable de le finir aussi, l'épisode du petit castor. Moi, je voulais qu'on continue parce que je l'aime, Hubert Gagnon. Ouais. Moi, je suis toujours capable. J'en ai écouté plein. Écoute. Mais sinon, je vous tiens au courant. Allez sur le site de Grenier aux emplois parce qu'il y a le Conseil québécois de l'industrie touristique qui cherche à combler le poste d'analyste économiste en tourisme. Ah, voilà. Ouais, donc, le message est lancé, mesdames, messieurs. Okay. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste Jessica. Dire là, que ça me fait penser. Là, tu parles d'émission qui revient en onde. Ben, je suis tombé en fin de semaine sur la superbe émission Les Rois de la Pop avec Pierre Marcotte à TQS. Pierre Marcotte. Personne se rappelle des Rois de la Pop, puis peu de gens se rappellent de Pierre Marcotte, mais il a fait cette émission-là l'année passée. C'était hyper pourri. Puis là, cette année, ça revient pas. Il repasse les reprises de la saison passée. Oh, wow! C'est un quiz et c'est vraiment mauvais. Écoutez-le, c'est drôle. Vous allez voir que Pierre Marcotte, il est tellement pas à l'aise dans ce rôle d'animateur-là, il comprend même pas les règles de son propre jeu. C'est sidérant. Fait que je vous conseille ça, je pense que c'est le samedi à 19h30. Les pas animateurs, c'est peut-être pas lui, hein. C'est peut-être les recherchistes ça... qui sont poches, là. Non, mais Pierre. L'animateur, il est pas à l'aise dans son rôle, on voit, là. C'est pas juste de la recherche, là. Tu vas nous rendre service, tu vas les enregistrer. C'est ce que je suis en train de faire déjà, j'ai pogné le premier en fin de semaine. Si vous venez, là, les lundis au Brouhaha pour le douteux, je pense qu'on va les voir bientôt, là. On va en mettre un joueur. Je vais Pierre Marcotte dans ma face. Sûrement que bientôt, on va avoir une programmation en rafale. Ouais, on mettra toute la saison parce qu'on peut gagner à la fin de la saison le fameux trophée des rois de la pop la semaine et 50 000 $. Wow. Fait que le principe de cette émission-là, c'est qu'il faut que tu reviennes pendant 20 semaines pour peut-être pouvoir gagner quelque chose. Tu gagnes rien d'une semaine à l'autre. À la fin, il y a un seul gagnant. Ah, wow. C'est toi qui es couronné le roi de la pop. Le roi de la pop, ben, c'est une équipe. Là. Tu gagnes 50 000 $ à diviser en 3 au bout de 20 semaines. Donc, c'est probablement moins cher que mon salaire. Plus un magnifique trophée, les rois de la pop la semaine. Mais moi, j'aimerais ça. Personnellement, tu avoir cette trophée-là. Tu fais plus que 50 000 $ aux 20 semaines, toi? Si on le divise en 3, parce que sont 3, ah ouais, sont 3 gagnants, ça se pitait ça. Tu sais, dans la vie, il y a des sérigraphies. On peut peut-être essayer de te faire une genre de sérigraphie de trophée. En fait, une reconstitution. Ah, ça serait cool. Mais le vrai, c'est quelqu'un là encore, là. Il doit être sur eBay quelque part, là. C'est comme des piments, piments forts, man. J'avais été les voir, puis ils redonnaient à la fin de l'émission. J'avais été tellement déçu. Imagine, j'aurais pu avoir un vrai piment de piment fort. Ouais, mais là, ils doivent être rendus passé date, là, tu sais. Oui, maman. Ça pourrit, ça, des piments. Merci beaucoup, en tout cas, Jessica, Étienne Forêt. On va checker ça, le roi de la pop, c'est sûr. C'est très, très, très bon. Puis là, tu vas-tu nous mettre des tounes? Je peux bien vous en mettre des tounes. Alors, j'ai passé une toune de belle-mère bien ordinaire, du genre « Ma belle-mère est poche, gna gna gna », comme on entend tout le temps. Il y en a une qui est un petit peu plus joyeuse sur un thème différent. Non, mais c'est une autre toune de belle-mère. Avant qu'on switch vers les hommes, c'est Marthe Fleurant qui nous chante « Au bel moment ». Mais cette fois-ci, c'est pas qu'elle se plaint de sa belle-mère, c'est qu'elle se plaint de son mari à la mère de son mari. Oh, je comprends. Écoute la chanson, tu vas voir. Ça implique bien du monde, ça, là. La famille est là. C'est mathématique, ça, là. Fait que c'est encore un semi-country, là. Oh, belle maman, votre fils ne me comprend pas. Oh, belle maman, voulez-vous régler mon corps? C'est bon, hein? Je me sens si déprimée. Je suis si découragée. Ah, je viens de comprendre. Tu vois, là, je savais que tu comprendrais quelqu'un. Je demande de l'aide. Il y a un bout qui est intéressant, c'est le bout où elle parle par-dessus elle qui chante. Là. Je vais essayer de le trouver. C'est vraiment beau. C'est overlap. Hein? C'est-tu là? Non, c'est plus loin, je pense. C'est-tu là? Non, c'est pas ça. Je suis bien écoeurée, je suis au coton. Votre fils ne va vouloir tourner bien là dans mes ombres. Ça devait être bon live, ça. Ça devait être incroyable. Je sais pas si elle arrivait à le faire live, chanter par-dessus Capa. C'était elle qui faisait la voix de Batwoman, hein, je pense. Oui, c'est ça, dans Batman de Sonnery. C'était à peu près similaire, effectivement. Elle nous a chanté aussi Un beau mononcle en or. Fait que là, je passe ici dans le mode masculin de la famille. Un beau mononcle en or, c'est intéressant parce qu'elle nous parle d'un mononcle qui a de l'air comme un peu à crouser les petites nièces mineures, mais que les nièces, ils ont l'air comme à trouver ça drôle. Et le fun. C'est une belle chanson. C'est sa vision des choses. C'est ça. C'est toujours drôle, le... L'inceste. L'inceste. C'est un petit cavalier field, je pense, cette chanson. Ça fait tellement rire à chaque fois que j'en entends parler. Moi, c'est à chaque fois que je le vis. D'entre ceux l'éveillés, quand t'as une fois par année, ils racontent des histoires, tout en prenant un petit verre. Ils dansent avec les cousines, lui dit qu'elles sont bien fines. Ils collent contre lui, ils frottent toute la nuit. J'ai dans ma famille, c'est bien, c'est clair. Puis c'est tout joyeux, elle trouve tout ça le fun. Puis oh, mon oncle. T'es encore venu dans la salade de macaroni. Tu sais que ça se fait pas, mon oncle. Hey, c'est le beau mononcle en or de Marthe Fleurant. Merci, Marthe Fleurant. C'est fun, hein? T'en as-tu une sur les beaux-pères? J'en ai pas sur les beaux-pères. Il y en a pas, je pense, de ça. Mais j'en ai une sur les pères, en fait. Mais là, je tire ça par les cheveux. Là. Mais il y a Sophie et Magali qui nous chantent ici, évidemment, la chanson Papa Pingouin, qui est fort connue. évidemment. Ça a passé à... Ils ont passé à Eurovision à un moment donné, eux autres, avec cette chanson-là. Ça fait un bout, hein. Donc ça, c'était en 1980. Ça vaut même pas vraiment la peine d'entendre plus longtemps, c'est toujours pareil. Eux autres, quand ils ont sorti ça, c'est devenu un super gros hit, puis ils pensaient que ça allait, ils étaient lancés, puis finalement, ils sont retombés tout après, ils n'ont jamais rien fait d'autre. Ils se sont fait clencher par Jeannot Bergeron. Mais ça, ils n'ont jamais été capables de reproduire le classique. Le classique Papa Pingouin. Papa Pingouin, la magie derrière la mélodie de Papa Pingouin. Là. Effectivement. Il y a Linda Lemay qui avait mon père aussi. Oui, le plus fort, c'est mon père, mais je ne m'abaisse pas jusqu'à jouer du Linda Lemay. Merci. Non. Faut tirer une ligne quelque part à un moment donné. Moi, j'aime bien sa toune sur les chaussures. Je trouve ça profond. Il prend le chicken polka yodel. Ouais. Mais Linda Lemay, j'arrête de jouer juste avant Linda Lemay. Passe pas, c'est ça. Ben, pas dans notre programmation, en tout cas. Peut-être dans un autre show, là. Ouais, peut-être dans des shows plus plates que le nôtre. Alors, sinon, il y a aussi une toune sur un cousin ici, qui est Cousin Kneiper, chanté par Violaine. Kneiper, qui est un genre de, on suppose, un gars qui vient de l'Angleterre visiter sa cousine ici. Pis c'est pseudo psychédélic grunge Tarantino. Ben oui, ça commence sur le gotha. C'est ça. Quel malheur! Oh, cousin Knepp! Cousin Knepp! Et voilà, c'est comme ça pendant 1 minute 39. Au moins, ça a l'avantage de ne pas être très très long. Ben ouais, on l'écoute au complet ou t'en as une autre? Ah, j'en ai plein d'autres, mais c'est à ton choix. Ben, mets-en une autre, puis on va voir. OK, j'en mets une que j'ai déjà fait jouer, mais ça fait longtemps, puis j'étais même pas ici, en fait. Je vous l'avais envoyé, puis je l'aime beaucoup. C'est chanté par la famille Godette, donc la famille de Tom. Et ça s'appelle l'arithmétique. Oui, alors, on va boire un verre à la santé des nombres chiffres positifs. C'est un homme ou une femme qui chante? C'est un homme qui chante. C'est ton papa, Tommy! La santé de nos deux, à la santé de nos deux, à la santé de nos deux. À la santé de nos deux, non, mon vieux. À la santé de nos deux. Vous voyez le pattern, là? À la santé de nos deux, non, bon, on monte de deux maintenant. Ouais, c'est ça, ça va. Je pas. À la santé de nos quatre. À la santé de nos quatre. À la santé de nos quatre. À la santé de nos quatre. À la santé de nos quatre, nos trois, nos deux, nos un, mon vieux. À la santé de nos deux. À la santé de nos quatre, nos trois, nos deux, nos un, mon vieux. À la santé de nos deux, à la santé de nos six, à la santé de nos six, à la santé de nos six, à la santé de nos six, à la santé de nos six, nos cinq, nos quatre, nos trois, nos deux, nos un, mon vieux, à la santé de nos deux, à la santé de nos six, nos cinq, nos quatre, nos trois, nos deux, nos un, mon vieux, à la santé de nos deux, à la santé de nos huit, à la santé de nos huit. À la santé de nos dix, à la santé de nos dix, à la santé de nos dix, à la santé de nos dix, à la santé de nos dix, nos neuf, nos huit, nos sept, nos six, nos cinq, nos quatre, nos trois, nos deux, nos un, mon vieux, à la santé de nos deux, à la santé de nos dix, nos neuf, nos huit, nos sept, nos six, nos cinq, nos quatre, nos trois, nos deux, nos un, mon vieux, à la santé de nos deux, à la santé de nos douze, à la santé de nos douze, à la santé de nos douze. Ah oui, c'est vrai, il y a un bon d'heure par rapport. Ah oui, il brise le pattern. J'avais oublié de choisir. J'avais rendu jusque là. À la santé de nos deux. À la santé de nos onze, nos dix, nos neuf, nos huit, nos sept, nos six, nos cinq, nos quatre, nos trois, nos deux, nos un, mon vieux. À la santé de nos deux. À la santé de nos douze. À la santé de nos douze. C'est le dernier. À la santé de nos douze. À la santé de nos douze. À la santé de nos douze, nos onze, nos dix, nos neuf, nos huit. Nos sept, nos six, nos cinq, nos quatre, nos trois, nos deux, nos un, mon vieux. À la santé de nos deux. À la santé de nos douze, nos onze, nos dix, nos neuf, nos huit, nos sept, nos six, nos cinq, nos quatre, nos nos trois, nos deux, nos un, mon vieux. À la santé de nos deux. Poète, poète. À la santé de nos deux. Ça a même attiré Israël Trudel-Denis. Je voudrais rappeler à tout le monde que je refuse de jouer du Linda Lemay parce que c'est trop poche. Voilà. Oui. Que ce soit clair. Que ce soit bien clair. Juste du mieux. Je reste de ce côté-ci de la frontière. Avec la famille Godet. Il y a une ligne à ne pas traverser. C'est ça. Avec la famille Godet. Voilà. Ça a l'air fun de partir chez vous. Pour le fun. Je reste de mon bord avec la famille Godet. Toi, Linda, reste de ton bord avec Lara Fabian. Exactement. Oh. Fabian. Je voudrais dire aussi que dans mon auto, l'autre fois, avec mon fils, on a chanté cette chanson-là, a cappella, tout seul de même, puis on s'est rendu jusqu'à la santé de nos 31. Ah, voilà. Ah, est-ce que vous avez brisé le pattern à partir de 11, vous autres aussi, puis après ça, vous y alliez au... Exactement. Ah ouais? Ouais, je... ouais. À chaque chiffre, ou vous êtes revenu à... Ouais, à puis étiez-vous capable de faire de 31 à 0 en chantant sans reprendre votre souffle? Moi, j'y arrivais, là. Mon fils, un peu moins. Mais évidemment, ça rentre plus d'un temps pantoute, là. Mais... Ouais, c'est ça. C'est un autre an de nos... T'as pas remarqué qu'il parlait de son fils au passé? Comme s'il était mort depuis. Il est mort? Qu'est-ce qui se passe avec ton... Il est mort parce que pendant que je chantais 31, je regardais plus où j'allais dans l'auto. Puis on a percuté un poteau. Pendant que lui, il manquait de souffle, c'est ça. Exactement. Donc, on parlait de Simon Says. Simon Says, on savait que la susmentionnée équation soit Simon Says, ce serait solide en sacrament. Simon Says, c'est le titre du film et du baptistère du héros. Il porte sur lui tout le sens de son univers en étant le seul personnage capable de prendre du recul face aux événements qui lui arrivent. Je vais maintenant parler des méchants. Ashton. Ashton vend des armes. Il est excentrique, efféminé, riche, manipulateur, méchant et écoute du classique. Il est le boss des méchants. Il va donc mourir dans 90 minutes, moins l'épilogue. Les gentils sont Simon, celui qui saise. Il va tuer Ashton dans 90 minutes, moins l'épilogue. Les ambigus, mi-méchants, mi-gentils, sont les éléments comiques du film. Les deux moines techno et Nick Miranda, bien sûr, dont la bêtise constitue plutôt une entrave aux voix de Simon, mais dont la motivation se range avec celle de Simon. Les trois éléments comiques sont les réels héros douteux de notre aventure. Remarquez comment Nick se greffera à Simon, donc à la diégèse. Et remarquez comment les moines sont caves. Il y a aussi la babe, que l'on doit tabasser et négliger pour avoir le droit de fourrer. Va-t-elle se faire kidnapper? Comme toutes les babes. Oui, ben, dans les films d'action, souvent. Hein. Dans les vues. Mais de toute façon, on paraît que le masochisme, ça rapproche les gens. Ça rapproche les couches, ben, l'effet de Stockholm, hein, on est au courant. Oui, on sait. Oui, c'est ça. Et puis, il y a donc la babe qu'on doit tabasser et négliger pour avoir le droit de fourrer. Va-t-elle se faire kidnapper? Le pire, c'est que si oui, on sait qu'elle va se faire délivrer. Tu viens de vendre toute la punch. Il y a aussi la trame sonore qui mérite mention. Vous connaissez déjà ma haine de Monsieur Soundtrack, surtout quand il se veut omniprésent. Tu sais, t'entends trois mesures d'une toune, fait qu'on peut mettre Born to be Wild sur la soundtrack. Là, on l'a mis deux fois. Ah, right, elle est bonne, la soundtrack. Hein? T'as entendu la troisième toune? T'es bonne, man. C'est Born to be Wild, là, c'est un groupe d'Angleterre. Pas vrai, ça. C'est Steppenwolf, ça vient des Manitoba, je pense. Sans calice, là. L'important... C'est les mots du conservateur. Bon, c'est ça. Les Manitobains. Donc, surtout quand M. Soundtrack est omniprésent, je le déteste, mais ce soir, la trame sonore que l'on entend ne proviendra pas de l'univers même de Simon. Elle ne provient pas d'un stéréo sur lequel les moines font jouer leur beat. Le trame sonore apparaît de temps en temps pour servir de fond sonore aux danses des moines et puis aux autres séquences de coolerie. Comme si tout le monde entendait la même chose en même temps. Merci, hein? Comme si elle était chantée par une chorale d'anges. Vous vous ferez votre idée, mais moi, je range la trame sonore du côté des gentils. Ça, là, cette bout-là, là, qu'on entend là, là, mettons que tu l'as fait recommencer, là, j'ai déjà donné ça comme malédiction à un bonhomme dans des jeux de rôle. Il entendait en permanence les deux premières mesures de Born to be Wild. Ouais, c'était drôle. Il avait fait un Walkman avec les deux premières mesures en permanence, là, parce que c'est comme une malédiction, là, parce que il a réussi à s'en débarrasser, nous. Ah ouais? Ben ouais. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi tu lui as lancé cette malédiction-là? Bon, je me rappelle plus, là. Il fallait qu'il y ait une malédiction d'audio. Puis moi, j'aime ça, cette affaire. Mais oui. C'est toujours beau, une comme on avait mis à un moment donné Chariots of Fire sur repeat, là. Puis est-ce que vous l'aviez remis en au ralenti, en plus? Ben pas au ralenti, on n'a pas fait ça. Imagine. T'as mis au ralenti, déjà, qui est comme au ralenti. En état doublement. C'est ça. Hey Joe, elle a été faite au ralenti, cette tune là. Par Vangelis Stone, en plus. Hey, Bruno, nouvelle? Ouais, alors j'en ai marre, c'est une petite dernière. Il y a deux journaux juifs ultra-orthodoxes qui ont altéré la photo du nouveau cabinet de ministre israélien en enlevant les deux femmes ministres. les images de Limor Livnat et de Sofa Landwehr ont été remplacés par des photos de deux hommes dans le journal Yated Niman et tout simplement noircis dans le Chat Tova. La croyance ultra-orthodoxe, c'est que de publier des femmes est une violation de la modestie féminine. Oui, bien sûr, c'est pour préserver ben oui, la les lois de la modestie féminine. Les lois sacrées de la modestie féminine. Attention! À vivre la liberté d'expression. Hein. Nous autres, on ne surfe jamais là-dessus. Hey, c'est-tu la fin de l'émission? Ben non. Excuse-moi, tout le temps, là. Bon, on est rendu à 2 minutes de la fin. Parle-nous encore de la famille, Étienne. Bon, ben, je vais vous en mettre un autre d'abord. T'as-tu Mélanie, tu sais, le Mélanie? Ah, ben oui, je l'ai. Après ça, on s'enferme dans un studio. Pas comme ah oui, bloc c'est comme dans un film, puis on passe la nuit ici à parler. Chantal Perry, encore une fois, qui revient souvent dans notre playlist. Donc ça, c'est Chantal Perry en compagnie d'André Sylvain, son mari, qui ont réellement enfanté une Mélanie. Et que son mari n'est vraiment pas un chanteur. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont réellement enfanté une Mélanie? C'est vrai. Puis en plus, Mélanie, maintenant, elle a grandi. Puis elle se fait appeler Mélanie 13. Puis elle chante des affaires de même. Hey, j'étais allée au Blizzard en fin de semaine. Je pense que c'était ça qui jouait. C'est Mylène Farmer. C'est Meta Cochonnerie, en fait. C'est une tune. Elle chante du Mylène Farmer. Ben ouais. Originalement, c'est de Dalida et Alain Delon. Puis elle chante ça tout seul de même. Parole, parole, Euromix. Oh boy. Ah, ça, c'est Mélanie, ça, la Mélanie? Ça, c'est la Mélanie de la chanson Mélanie qui est devenue ça. Elle se fait appeler Mélanie 13 parce que sûrement qu'elle veut pas se faire comme rebelle. Sa mère. Ouais. Pécheresse. Ben, c'est quand vraiment... t'as Chantal Perry, t'aimes mieux pas trop en parler. Hey, on est plugué en sapristi. Ben oui. Hey, moi là-dessus, je pense que je vais skipper vers les derniers extraits de Simon Says. On est à 8 minutes 20 du début. On va comprendre à quel point les moines, on les adore avec des Z. On va laisser finir ce tournoi un petit peu aussi. Merci beaucoup, les amis. Hein? Oh, merci, on se fait des bye-bye. C'était 70%. On s'en va au brouhaha pour écouter Simon Says et plein de clips. Yeah. Parce que c'est important. Oui. On va voir. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rayé ma bécane. La bécane, ça se répare. Qu'est-ce qui s'est passé avec le gars en uniforme? Je lui ai appelé un taxi. Vous l'avez identifié? Il s'agit d'un officier français, le colonel Jacques Taylor. Ce dossier date d'il y a 2 ans. On sait ce qu'il fait en ce moment. En ce moment? Vu l'heure, il ne va pas tarder à se coucher. Il a bu son verre de lait. Il a enfilé son pyjama pour la nuit. En espérant qu'il n'oublie pas sa prière. Et puis il se prépare à quelques petits câlins coquins. Les gars, s'il vous plaît. D'accord, ces dernières missions ont été classées top secret et Interpol ne peut pas y avoir accès. Je me demande pourquoi je vous ai embauché. Parce qu'on est des mecs cool. Qu'on est gravement classe. Mm-hmm. Et qu'on sait danser. Tiens, ça te fait marrer? Hé, regarde ça. Allez, quoi? On est ça super plaît, non? Admets-le. Rien à foutre, tu veux qu'on se fasse du smurf? On fait les moines en bossa et on regarde. Pas moi, on fait pas des concerts. Il a rien en tiré. Et tu crois qu'il a les boules? Oh, il est juste un peu énervé, mais c'est pas grave. Tu crois qu'il va nous payer quand même? Ah, on a fait vœu de pauvreté, mais on sera payé. J'ai un petit creux, moi. Mais je croyais que tu faisais un régime. Rien à foutre, on va se faire un petit chinois. Alors, comment c'était? Très bien. Et ça alors, comment c'est? Oh mon Dieu! Oh, je vous demande pardon, monsieur Gabrielli. Ce n'est rien, Claire. Je me fais souvent peur à moi-même. Vous vous amusez bien? Oh oui, mucho fun. Tu viens, on va nager? Ouais. Non, attendez, vous ne pouvez pas. Oui, pourquoi? Je voulais dire, vous avez mis de la crème solaire? Oui, papa. Ne vous éloignez pas trop, surtout. D'accord, on va juste sur le plongeoir. Très bien, comme ça, je pourrai voir si vous arrive quoi que ce soit. Dis donc, il est un peu bizarre, ton père, aujourd'hui, hein? C'est à toi. Si tu marques le point, on a gagné. C'est lui qui tient. Ouais, bien joué, ça va partir maintenant. S'il vous plaît. Vas-y, Simon Says, t'es le plus balèze. Génial, Simon. Comment ils appellent ce jeu? Faut trucider des chats avec les boules, hein? Oui, c'est moi. Quoi, tu me remets pas? Nick Miranda. Incroyable, hein? Mon pote, allez, amène-toi, quoi! Qu'est-ce qu'on a pu se marrer tous les deux, hein? Tu te souviens? On était dans la même classe à l'anglais en 92. On suivait le même cours de balistique. Ouais, je me rappelle. Je veux, ouais. Je trafiquais tes détonateurs. Mais au fait, qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh ben, j'habite ici, figure-toi. Tu rigoles? Non. Ah, dis-moi, tu bosses toujours pour la compagnie, tu sais quoi, la CIA? Non, j'ai pris ma retraite. T'es plus peinard ici, mec. C'est quand même dingue, le hasard. Je suis à peine descendu de mon avion, je vais faire une balade tranquille et sur qui se tombe, là? Thomas Jensen. Depuis 14 ans, des artistes comme Estelle Clarton, Evelyne de la Chenelière, Carquois, Daniel Boucher, Fred Pellerin, Mes Aïeux, Pierre Lapointe et moi-même avons foulé les planches de Vue sur la Relève. Cette année, 45 spectacles à découvrir en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, du 5 au 18 avril à Montréal. Découvrez-les avant tout le monde. Vue sur la Relève, l'événement printanier à ne pas manquer. Vue sur la Relève.com, une présentation de l'Auto-Québec.